Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Neuf, on rapporte tout à la maison. Subterranean Homesick Blues, number 10, take 1. Subterranean Homesick Blues. Nostalgie du retour à la maison souterraine. Mal du pays fond de la terre. Blues du manque souterrain. Ça ne se traduit pas plus que du Rimbaud. Un système au point désormais. La voix parlée qui s'affirme au-devant d'une structure rythmique répétitive et pousser les images à leur incandescence. Accepter l'impressionnisme, le discontinu. Charger pourtant tout cela des signes concrets du monde et on martèle les assonances comme à courir derrière. Johnny est au sous-sol, il prépare les médicaments. Moi je suis dans la cour, je pense au gouvernement. Le type dans son manteau, il sort son insigne, un chômeur. Puis qu'il a chopé une saleté de tout. Veut qu'on lui paye les indemnités tout. Gaffe mon petit si tu sais pas ce que tu fais. Bob Dylan, une vie en 15 diapositives. Mais une vie ne se résume pas en diapositives. Autour de chaque, d'autres qui se démultiplient, où on se réinvente comme en autant de miroirs. Ainsi, parmi ces diapositives qui se multiplient autour du silence grandissant d'un homme, le silence que délibérément maintenant, autour de lui, il organise, il y aurait la légende de Robert Johnson. Il n'appartient pas au folk, celui-là. Et ses chansons n'ont pas de sens explicite. Mais elles surgissent au lieu précis d'où on comprend tout du monde, juste par une image. Et cette image est celle du musicien lui-même, avec sa valise sur le quai de la gare, avec les mirages d'amour qu'on se crée, et qui lui ont valu à Robert Johnson sa fin prématurée, à 28 ans, tué par un mari jaloux, au carrefour de quatre routes. On connaît encore l'endroit, il est devenu pèlerinage. La première fois que Keith Richards a entendu les disques de Robert Johnson, il a demandé « Qui c'est le type qui joue la deuxième guitare ?» C'est John Hammond qui a réédité chez Columbia les disques du vieux bluesman. Et Dylan en a reçu un premier pressage, juste emballé de papier Kraft, pas encore la pochette. Robert Johnson, ce n'est pas du folk, ça va trop vite, c'est trop fou techniquement. Et il y a cette mythologie du personnage à l'arrière. Quand un an plus tard, on demande à Bob Dylan ce qu'il a ramené au rock'n'roll, avec Robert Johnson, il répondra « Carelessness, de m'en foutre ». Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, si Mr. Tambourine Man est un succès, c'est chanté par un groupe électrique, The Byrds, avec Roger McGuinn. Il n'aurait pas le droit de faire ça lui-même. Dans les proches de Dylan, Bruce Langhorne, un type qui, jeune, a eu un accident, a perdu plusieurs doigts de la main gauche. C'est lui qui joue la deuxième guitare sur Mr. Tambourine Man. Langhorne, un micro placé sur une guitare acoustique à travers un ampli Fender. Et plutôt qu'imposer un sol de guitare en alternance avec le chanteur, propose des épaisses trilles rapides qui solidifient la scansion même de Dylan. Ou Mike Bloomfield. Lui, il a commencé folk et maintenant s'affirme comme guitariste électrique à part entière. Joue avec Paul Butterfield dans le Butterfield Blues Band. Aura ensuite son seul vrai succès personnel avec The Blues Project et mourra de trop de drogue à 36 ans. Ou le bassiste John Sebastian, dont le groupe s'appelle The Lovin' Spoonful, et qui dira plus tard « Je jouais avec Dylan, j'enregistrais avec Dylan, et quand il nous a proposé de partir en tournée, de travailler vraiment ensemble, j'ai répondu « Ah non, on a notre groupe ». let me be a champion. The hand to hold your pretty hand in, darling companion. Now you know you'll never be abandoned. Love will always light our landing. I can depend on you. Peut-être que le schéma chanteur folk cherche accompagnateur leur semblait trop restreint. Peut-être une jalousie au succès de Dylan, un succès qu'il croyait d'avant les Beatles, trop de succès. Nous, on l'avait connu guitare à la main et mangeant des hamburgers avec nous. Et maintenant, un pantin à lunettes de soleil, une comète dans le ciel. Of war and peace, the truth, it twists, its curfew gorgeous glass. Et puis il y a les Beatles eux-mêmes. La rencontre de Dylan avec les Beatles, une énigme de plus pour nous, 40 ans plus tard. Et que ça ait pu être aussi important pour eux que pour lui. Qu'ils avaient chacun, eux de leur côté, lui du sien, à se trouver soi-même dans l'explosion qui leur donnait un si grand rôle symbolique en son sein. Un des amis les plus proches de Dylan, il y en a peu, alors on les connaît, c'est un journaliste, Al Horowitz. Dans une de ses conférences de presse, où le jeu c'est de répondre par énigme, un jour où à Dylan on pose la question « Qu'est-ce qui pourrait changer le monde ?» Il répond « Al Horowitz ». Horowitz, qui est un pilier du petit monde new-yorkais, a appris de George Harrison leur fascination pour « The Freewheelin' Bob Dylan ». Il leur propose la rencontre. C'est à l'hôtel Delmonico, le 28 août 1964, après un concert des Beatles au Paramount Theater. On parlera toute la nuit. Dylan a apporté de la marijuana. Les Beatles connaissent déjà, mais pas de cette qualité ou dans cette quantité. C'est d'époque. On parlera musique. On parlera vie. Le lien plus fort se fait entre Dylan et Lennon. À son prochain voyage, il ira même chez lui près de Londres et sera fasciné par ce modèle de maison forteresse où John vit avec Cynthia. Il fera pareil au retour. À Londres, à nouveau, on passera la nuit à parler. D'histoires de musiciens, oui, certainement, et qui ne nous concernent pas. Mais Dylan aura ici rompu avec l'image du chanteur à la guitare, comme eux auront rompu avec les petits textes tout simples. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. Côté vie privée, Albert Grossman, dont les revenus sont bien plus gigantesques que ceux des artistes qu'il représente, s'est offert une maison géante à Woodstock, 2 heures de New York. Pas encore la montagne, mais déjà les collines. Dylan s'y installe quasiment. Il y a sa chambre, sa machine à écrire, John Bez qui vient lui rendre visite. En ville, il y a un café. Il devient l'ami des patrons et même de leurs gosses. Et eux aussi lui laissent à disposition une chambre à l'étage. C'est en ville, mais calme. Personne ne sait qu'il est là. Personne ne saurait où le joindre. On lui met un piano. Il apporte la machine à écrire. Et puis il y a Sarah. Sarah, c'est Charlène Nosinski, née d'un immigrant juif de Biélorussie, venu avant la Première Guerre mondiale. Il parlait l'anglais, mais ne le lisait pas, ni ne l'écrivait. Sa mère gérait une petite épicerie de Carrefour à Wilmington, dans le Delaware. Mais elle fait une congestion cérébrale quand Sarah a 9 ans. Une tante vient à la maison pour aider. Et quand elle en a 16, son père se fait tuer dans une bagarre, on n'a pas les détails. Alors Sarah cheminera seule, et durement. Elle a les yeux tristes, dit Dylan. Elle commence l'université et vient à New York à 19 ans, danse comme Bunny Girl dans une revue de Playboy. Elle pourra se glisser dans une agence de mannequins et épouse un nommé Hans Lounds, de 25 ans son aîné, photographe de mode. C'est la belle vie, un air de revanche. Un appartement à Manhattan, une MG Sport pour elle. Mais quand ils ont une fille, Maria, Hans demande le divorce. Sarah trouve un emploi, secteur production cinématographique de Time Life, et croise Sally, celle qui lui sert à manger le midi au bistrot d'à côté. Sarah traverse le divorce, élève son bébé, ses amitiés la comptent. Sally, de son côté, vit un conte un peu symétrique, avec un type plus vieux qu'elle et bien plus riche qu'elle. C'est le mariage, elle invite Sarah. Le marié s'appelle Albert Grossman. Dylan et Sarah resteront secrets jusqu'à l'obsession pour ce qui les concerne. Ce n'est pas si difficile. Dans la vie de tournée et de concert, il est loin, il est seul. À Woodstock ou New York, on ne reçoit pas chez soi. Chez les Grossman, Sarah est l'amie de madame. Même John Bez ne s'aperçoit de rien. À l'automne, Dylan, Sarah et Maria, la petite fille de 3 ans, emménagent à Chelsea, dans un de ces immeubles hôtels où on loue son appartement. Sarah et l'électricité arrivent donc ensemble. Dylan, de ses concerts seul à la guitare et à l'harmonica, dit sérieusement, à ce moment-là, « Est-ce que toi, tu viendrais te voir ?»« Non, je préférerais faire autre chose que ce que je fais. » Et cette autre chose, c'est le rock'n'roll. Le prochain disque aura une face électrique, une face acoustique. On invite en janvier des musiciens qui sont des proches ou des copains, comme John Sebastian, Bruce Langhorn. Pour chaque chanson, Dylan s'assoit au piano et montre à chacun précisément ce qu'il doit jouer. Il entend et définit chaque partie des arrangements. Le rock'n'roll, c'est Buddy Holly, l'Amérique des Blancs. Eux, ils ont remonté vers l'amont avec le folk, le blues. Mais les petits Anglais là-bas ont osé se mettre à l'électricité. Bringing It All Back Home, le nouveau disque de Bob Dylan, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, on ramène tout ça à la maison, chez nous. Il commençait à jouer, et nous, on sautait là-dedans. On était bien obligés de suivre, dit Bruce Langhorn. La preuve, ce début du 115e rêve de Bob Dylan. Bob Dylan's 115th Dream, où il démarre sans que les musiciens puissent le suivre, et ça les fait bien rire. Quant à la seconde face, la face acoustique, elle est la révélation d'un autre Dylan. La même âpreté rauque du rock, même dans ce qu'il fait seul à la guitare. Sans rien perdre de ce qui est sa première griffe, celle qui prend les politiques, les puissants, et à sa charge toute la maladie du monde. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. La nuit, en plein midi, les ombres sur l'argent, mon couvert d'argent, la lame forgée main, mon ballon de gosse, et l'éclipse sur le soleil et la lune, pour comprendre mes trop tôt, essayer à quoi bon si toi tu le sais. Eclipse. Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words. Les menaces en pleine poitrine, les mépris pour bluff, tes remarques suicides, ils s'entorchent comme l'idiot sa bouche en or, les cuivres et fanfares, des mots pour rien, juste prévenir, avertir que celui qui n'est plus occupé à naître déjà s'occupe de mourir. Temptation's page flies out the door, you follow, find yourself at war, watch waterfalls of pity roar, you feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. Mais surréalisme ou pas, rêve ou pas, quand Dylan chante It's Alright Ma, ce qu'attendent ceux qui l'écoutent, c'est quand il montre le président des États-Unis tout nu. L'étiquette du chanteur engagé, il ne s'en débarrassera pas comme ça. It's alright, ma. I'm only sighing. Jusqu'à ce que ça saigne un peu, maman. Jusqu'à ce que ça saigne un peu. Et c'est ainsi que Bob Dylan traverse à nouveau l'Atlantique pour la tournée anglaise de mars 1965. Grossman a embarqué un cinéaste, David Penbaker. Il tournera tout ce qu'on lui laissera voir. Les types qui encombrent Dylan dans la loge jusqu'au tout dernier instant d'avant le concert, et lui nerveux, avec sa Gibson au cou et son paquet d'harmonica qu'il ne sait pas où poser. Les scènes dans la chambre d'hôtel, Grossman toujours posé silencieux dans un coin, et John Bez qui chante avec sa guitare, mais lui, Dylan, tourne le dos et continue à la machine à écrire. « Quand il a eu besoin de se faire connaître aux États-Unis, John Baez l'avait accueilli dans ses concerts et laissé chanter en duo. Si elle est ici avec lui, c'est qu'elle va avoir, en Angleterre, ses propres concerts. Mais ici, elle est très peu connue pour l'instant. Pas une seule fois, Dylan ne la laissera monter en scène pour un duo. C'était pas vraiment sympa, il commentera 30 ans plus tard. Le film s'appelle Don't Look Back. Il est passé à la postérité comme inventant le vocabulaire du film rock'n'roll, la vie en tournée. Il y a ces images qu'on garde pour toujours. Dylan à la vitre d'un train, tandis que défile le paysage de la vieille Angleterre industrielle. Les conférences de presse où il se moque, arrivant avec une ampoule électrique. C'est quoi votre message ? Garder la tête froide et avoir toujours une ampoule électrique à la main. On me pose toujours les mêmes questions idiotes, il dit. Ce que je mange au petit déjeuner, quelle est ma couleur préférée, alors autant rigoler d'eux. Et comment il apostrophe un brave homme du Times venu faire son journalisme. Mais vous m'avez entendu chanter au moins. Et Dylan amaigrit. Dylan a la peau hâve. Les pilules qu'on prend pour tenir. Les pilules qu'on prend pour se monter les nerfs avant la scène. Puis les donors qu'on prend ensuite pour dormir quand même. Et puis sinon un paradoxe, un décalage. Alors qu'aux États-Unis, c'est le nouveau disque électrique qui commence l'escalade des ventes, celui qui décolle en Angleterre est même un des premiers disques à s'insérer entre les succès en alternance des Rolling Stones et des Beatles, c'est celui de l'an dernier, The Times, They Are Changing, comme s'il devait endosser le costume devenu trop petit pour lui ou trop usé, mais qu'on ne lui laissait pas le choix pour la figure exigée. Ben Baker n'aura pas le droit de filmer la chambre de Bob Dylan à Londres au bout de tournée, quand il reçoit Brian Jones ou la crème beatnik, qu'il y a aussi la jeune Marianne Faithfull juste enceinte, et qu'il ne résiste pas à lui faire des avances. Elle refuse, et lui, de colère, écrit tout un poème en glissant un rouleau de papier toilette dans la machine à écrire, frappant rageusement. Si on ne fait pas la partie de jambes en l'air, je jette ça à la poubelle, mon génie à la corbeille. Elle ne marche pas dans la combine. Mais qu'est-ce qu'elle leur raconte bien ? D'aucuns diront que c'est l'origine de Blonde on Blonde. Puis 8 jours de vacances au Portugal, où on ne risque pas de le reconnaître. Les troubles biographiques de Dylan. Quand il revient, il est malade, intoxication alimentaire. John Baez vient prendre les nouvelles qu'il n'a pas pris la peine de lui donner, frappe à la porte. C'est Sarah qui vient ouvrir. Fin d'une époque. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Your empty-handed painter from the street is drawing crazy patterns on your sheets. The night it is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. All your reindeer armies, they're all going home. Your broken-hearted lover out the door. Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre, Comment pousser les bords du monde, Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. And it's all over now, baby blue. Demain, 10e épisode.